بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va commencer inchallah sans plus attendre. Comme on avait informé dans la dernière assise d'hier, on va commencer l'étude d'un nouveau livre inchallah par la grâce d'Allah et si Allah le veut, l'étude du livre qui se nomme Qawaid al-Muthla, les règles exemplaires concernant les noms sublimes d'Allah et ses attributs. Donc c'est un livre qu'a rédigé le grand savant, l'érudit Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayh. Et dedans, il va relater des règles très importantes concernant les noms d'Allah Azza wa Jalla, les noms sublimes et les attributs de perfection. Et donc on va commencer, inshallah. Avant de commencer, donc le programme sera dans la première partie entre, on essaiera de commencer après la prière du Maghrib, inshallah. On commencera par Al-Qawa'id al-Muthla. Ensuite, on essaiera d'étudier en deuxième partie un livre sur, comme on avait dit, sur la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, sifat al-salat al-Nabi. Et on va essayer pour cela, je pense qu'on s'appuiera sur le livre du même auteur, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, qui est un livre justement sur la description de la prière. Du fait que lorsqu'on est entre nous, en partie restreint, on peut étudier ce genre de livre, le Qawaid al-Muthla, d'essayer de comprendre entre nous les règles exemplaires concernant les noms et les attributs. Mais lorsque commence à avoir des gens de la masse que peut-être que cela ne leur convient pas au départ. Pourquoi ? Parce que c'est un certain niveau quand même. Les règles exemplaires qu'on va étudier là, c'est un certain niveau. Et c'est pour ça qu'en première partie, on va étudier entre nous Al-Qawaid al-Muthla. C'est un très beau livre dans la Aqida, dans la croyance. Et dans le Qawaid al-Muthla, on va s'appuyer sur le commentaire de l'auteur même. Et c'est ça qui est très pertinent. C'est Cheikh Al-Uthaymeen a lui-même rédigé. Donc le metn, c'est lui qui l'a rédigé biqalami, de sa main, de sa plume, il a rédigé le Qawaid al-Muthla. Sauf que le commentaire qu'on va lire, c'est le commentaire de l'auteur même. On va s'appuyer sur le commentaire de Cheikh Al-Uthaymeen. Là, on peut pas lire ce livre Qawaid al-Muthla et l'interpréter comme bon nous semble. C'est un livre qui traite, comme vous avez entendu, des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. On peut pas l'interpréter ou le commenter comme bon nous semble. Et ce qui est très pertinent, c'est que l'auteur lui-même de ces lignes, de ces règles, de cette œuvre, lui-même l'a commenté. Sauf que son commentaire, c'est un commentaire audible qu'il a fait, qu'il a dispensé dans sa mosquée à Setullab, à ses étudiants. Donc c'est un commentaire que l'auteur a fait, a dispensé dans sa mosquée, et ensuite ça a été rédigé il y a de nombreuses années. Il y a de nombreuses années. Donc moi, je vous stipule cela. Pourquoi ? Parce que moi, l'édition que j'ai, c'est une ancienne édition. Et à l'époque, ce sont des gens, des Tullab al-Ilm, qui ont réécouté les audios de Cheikh Al-Uthaymeen et qui ont retranscrit. Sauf que ceux qui ont fait ce travail-là, par rapport à d'autres maisons d'édition, ce travail-là était vraiment sérieux. Lorsque vous lisez ce livre et vous écoutez les audios en même temps, vous allez voir vraiment, ils écrivent, c'est du mot pour mot. C'est vraiment, et eux ont fait un effort de recherche. Donc dans les premières assises, je vais m'appuyer sur celle-ci. Je vais m'appuyer sur cette maison d'édition. À l'époque, c'était Darul Athar. Jusqu'à ce que une nouvelle nusra va nous parvenir de la fondation de Cheikh Al-Uthaymeen. Une belle nusra, une belle édition. C'est l'édition même de la fondation de Cheikh Al-Uthaymeen qui nous parviendra. Ensuite, on reprendra avec celle de la fondation de Cheikh Al-Uthaymeen qui a été révisée aussi. Et il y a des rajouts. Et des choses qui sont pertinentes. Donc ceux qui, dès le début, ont l'édition, parce que c'est la même version, l'édition de la fondation de Cheikh Al-Uthaymeen. Si vous voyez que moi je vais commencer par vraiment le début. comment l'auteur a commencé. Il va commencer par présenter son écrit, Cheikh Ibn Uthaymeen. On ne va pas commencer par expliquer Khutbat al-Haja, puisque l'auteur Cheikh Ibn Uthaymeen va commencer avec Khutbat al-Haja. Dans l'édition de la fondation de Cheikh Ibn Uthaymeen, il y a Khutbat al-Haja avec l'explication. Ils ont rajouté, mashallah, l'explication. Moi, comme je vais m'appuyer sur la maison d'édition de Dar al-Athar, donc je vais vous lire, inshallah, le début de l'édition de Dar al-Athar, jusqu'à ce que nous parviendra, inshallah, l'édition, le livre, édité par la fondation de l'auteur lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen, que je vous conseille d'avoir, inshallah. Avant Donc nous, pour commencer, on va commencer par lire très brièvement, c'est une très brève introduction, le Muqaddima de Samahat al-Sheikh, l'Allama Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, du fait que Al-Qawaid al-Muthna, cette œuvre de Cheikh Ibn Uthaymeen, lui fut exposée, lui fut donnée, et on lui a lu. Cette œuvre fut lue à Cheikh Ibn Baz. Ensuite, il va noter et donner son avis et son appréciation sur Al-Qawaid al-Muthna. Elle est courte, Inch'Allah. Je voulais vous faire d'abord partager cela, parce que là, on a l'avis. C'est très important d'avoir l'avis de nos grands savants en ce qui concerne les œuvres et les livres qu'on étudie. Puisque nous, notre but, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est de vraiment d'adorer Allah Azza wa Jal par l'étude du savoir, par le talab al-ilm. Et donc, de ce fait, il faut étudier des livres qui plaisent à Allah Azza wa Jal et des sujets qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a choisi fil asma wa sifat, mais on va essayer de rester sur ce que l'auteur dit, ce que Cheikh Ibn Uthaymeen dit avec son explication à lui de ses propres mots. Son explication. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est sensible. On parle sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on ne peut pas interpréter, comme on l'a dit précédemment, à notre manière, à notre bon voulu, mais là, on va essayer de rester sur les enseignements du Shir, et là, on a l'avis de Cheikh Ibn Baz concernant cette risala et cette œuvre. Donc on va commencer, Inch'Allah. Ensuite, après la lecture de l'introduction de Cheikh Ibn Baz, je voudrais vous faire partager aussi une introduction, prendre certains points de l'introduction de l'époque de Dar al-Athar, une très belle introduction avec certains points importants par rapport à d'autres éditions, comme on va voir, et ensuite on commencera par le début de l'œuvre de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayh. Donc on commence bi'idhnillahi ta'ala sa'ilina Allah al-aoun. On commence en demandant Allah nasta'in billahi azza wa jal, en implorant Allah azza wa jal son aide. تقديم لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الأسماء والصفات وسماه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وسمعته من أوله إلى آخره وألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته كما اشتمل على قواعد عظيمة كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا بالمخلوقين بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسوله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله بن باز ابن باز سماحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Donc vous avez pu voir que l'introduction de Cheikh Ben Baz est très brève, elle est courte, mais elle est très pertinente. On a l'avis de Cheikh Ben Baz, rahmatullahi alayh, et son appréciation concernant cette œuvre. Il dit, premièrement, j'ai certes pris connaissance de l'écrit, ce précieux écrit de notre frère, l'illustre savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Donc regardez, Cheikh Ben Baz, il décrit Cheikh Ibn al-Uthaymin en disant « Sahib al-Fadila al-Allama ». Al-Allama. Donc là, Cheikh Ben Baz, il considère et il dit au sujet de son frère, il dit « Akhuna al-Sheikh al-Allama », le savant, l'érudit Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Son œuvre concernant les noms et les attributs, qu'il a nommé Al-Qawa'id Al-Muthna. On va voir dans l'introduction, Cheikh Ibn Uthaymin va dire que lui-même, il a nommé ce livre de la sorte. Il dit, Sami'atu min awwalihi ila akhiri. Il dit, je l'ai écouté du début à la fin. Cheikh Ibn Baz, alors, il l'a entendu et écouté du début à la fin, et son appréciation, c'est qu'il dit que c'est un précieux livre. Un très beau livre qui renferme la croyance et le dogme des gens de la sunna et du consensus. وَأَوْضَحَ مَعْنَى الْمَعِيَّ الْوَالِدَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ الْخَاصَةِ وَالْعَمَّ عِنْدَ أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَ. Il va souligner une question d'une manière plus particulière. Il va parler de la question, ce qu'on appelle Al-Ma'iyya, que je ne vais pas traduire tout de suite, que je ne vais pas détailler tout de suite. On laissera lorsque on arrivera au point où Cheikh Ibn Uthaymin va détailler cette question-là. Le fait qu'Allah Azzawajal est avec ses serviteurs, ses créatures. Sauf que, il dit, Shir va expliquer le sens véritable de cela, Al-Ma'iyya, le fait qu'Allah Azzawajal est avec ses créatures, son sens véritable, et que cela ne veut pas dire qu'Allah Azzawajal est avec ses créatures, mélangé avec ses créatures. Et dit, regardez, le sens particulier, précis, le sens général chez les gens de la sunna, wa annaha haqqun ala haqiqatiha. Donc, mas'alat al-ma'iyya, c'est une question qui est claire, lakin la taqtadi imtizajan wa ikhtilatan bil makhluqin. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah est mélangé avec ses créatures, comme on le verra lorsqu'on arrivera dans ce passage. Bal huwa subhana fawqa 'arshihi. Mais Allah est au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bi jalalihi wa subhanahu, kama yaliqu bi jalalihi subhanahu, وإنما, mais le sens, c'est qu'Allah est avec ses serviteurs par sa science. Il cerne tout par son savoir. وَالطِّلَاعَ وَإِحَاطَتَ وَالسَّمَاعُ لِأَقْوَالِهِمْ وَحَرَكَاتِهِمْ. Et du fait qu'Allah Azzawajal entend toutes les paroles. Et Allah a connaissance de tous les mouvements de ses serviteurs, de ses créatures. وَبَصَرَهُ بِأَحْوَالِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ. Et qu'Allah Azzawajal voit tout. Leurs gestes, leurs mouvements. Ils connaissent ce qu'ils font en secret. وَحِفْظَهُ. Et Allah Azzawajal aussi préserve ses serviteurs jusqu'à la fin de la parole de Sheikh. Et donc il précise que Cheikh Ibn Uthaymeen a bien détaillé cette question dans Al-Qawaid Al-Muthla. Aussi il dit, ce livre englobe aussi le désaveu des négateurs. Et Shir va réfuter les négateurs des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ashtamala ala inkari qawli ahli ta'til. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va justement s'efforcer dans le Qawaid Al-Muthla de réfuter les négateurs des noms et des attributs d'Allah azza wa jal et de bien détailler cela. Et aussi, il va réfuter at-tashbih, les anthropomorphistes, ceux qui font de la comparaison, ceux aussi qu'on appelle ahlul hulul wal-ittihad, ceux qui sont partisans de ce qu'on appelle l'entité unique. On avait déjà mentionné dans d'autres assises, on détaillera cela dans les assises prochaines. Fajazahu Allahu khayran. Ensuite, Cheikh Ibn Baz va implorer Allah qu'il gratifie et récompense le shir et qu'il leur accorde le savoir, la guider et la réussite et que le lecteur et le reste des musulmans puissent profiter de cet écrit. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Qalahu mumlihi al faqiru ilallahi ta'ala. Je vous ai traduit vraiment d'une manière brève et succincte pour qu'on puisse justement continuer. Et Cheikh Ibn Baz à la fin il dit qalahu mumlihi, donc Cheikh l'a dit, il a dicté, si vous voulez, il a dicté ce qu'on vient de lire en disant le pauvre indigent envers Allah l'a dicté Abdelaziz, fils de Abdallah Ibn Baz, samahahu Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Et ça, Cheikh Ibn Baz, il l'a écrit en, il l'a dicté plutôt en 1404. En 1404. Ça fait 40 ans pile. Il y a 40 ans qu'il a dicté, puisqu'on est en 1444. On est en 1444 dans l'ère et le calendrier égérien. Et il dit qu'il a dicté le 5 du 11e mois de l'année 1444. Donc ça date d'une quarantaine d'années. Là, c'est en ce qui concerne l'introduction de Cheikh Ibn Baz. L'édition Dar al-Athar, qui ont édité justement il y a très longtemps Al-Qawaid al-Muthla avec le commentaire de l'auteur lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen. Ils disent, après avoir fait khutbat al-Haja, qala fa'innahu la yaghfa ala ahad min al-muslimina ammuhum wa khassuhum ما خلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين من علم ينتفع به ويصيل ثوابه إليه في قبره إن شاء الله تعالى مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وأخرجه أحمد في مسنده. Il commence dans l'édition d'Al-Athar. Donc je vais vous prendre quelques points, je vais résumer pour qu'on puisse commencer l'œuvre. Alors, ils disent que personne n'ignore ce patrimoine qu'a laissé Cheikh Ibn Uthaymeen derrière lui. Du fait qu'il va dire qu'un shir rahimahullah bahran, c'était un océan de savoir, de ilm. Et personne n'ignore tout le patrimoine, cet héritage qu'il a laissé derrière lui, qu'il a laissé derrière lui. Et il dit ce savoir-là, dont cette récompense lui parvient, Inch'Allah, si Allah le veut, dans sa tombe. Conformément au hadith du prophète, إِذَا مَتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ. Lorsque l'homme meurt, toutes ses œuvres s'interrompent, sauf trois. Une sadaqa jariya, une aumône qui perdure, ou bien une science qui profite, ou bien un enfant pieux qui invoque. Il dit, وَهَذَا الشَّرْحَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَحَدُ الْأَثَرَ الْعِلْمِيَ الَّتِي خَلَّفَهَا الشَّيْخ. Et cette œuvre-là, ce livre-là, fait partie des choses qu'a laissé derrière lui الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Et القواعد المثلى n'est pas seulement enseigné ici, mais au contraire, القواعد المثلى est enseigné dans de nombreux pays et dans de nombreux marakiz al-ilmiya, dans de nombreux centres d'études ou de jami'at ou d'écoles ou de mashayikh enseigne القواعد المثلى. Donc الشيخ le fait qu'il a écrit cette œuvre et ce livre, Hadil Qawaid, ces règles-là, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Et c'est pour ça que vous allez voir que Hadil Kitab Makhdoum, ce livre a vraiment été servi. Dans le sens que vous allez trouver de nombreux commentaires. De nombreux savants contemporains l'ont commenté. Je ne veux pas vous citer des noms. Pourquoi ? Parce que la liste est grande. Beaucoup de mashayikh, c'est pour ça que vous pouvez trouver de nombreux commentaires, beaucoup de mashayikh, même des anciens savants, des contemporains de Cheikh Ibn Uthaymeen l'ont commenté. Et ont un commentaire de Al-Qawaid Al-Muthla. Donc c'est vraiment un livre de base et c'est vraiment une des clés ensuite pour commencer à étudier Ilm Al-Aqidah wa khassatan Bab Al-Asma wa Sifat. Et vraiment, ça nous ouvre les portes pour ensuite étudier des livres comme Al-Aqidah Al-Wasitiyah, par exemple, wa al-Hamawiyya wa al-Tadmuriyya, et comprendre d'autres épîtres et œuvres concernant al-Aqida. Vous allez voir, celui qui comprend bien le Qa'id al-Muthla, ça lui ouvre vraiment les portes pour ensuite étudier le Wasitiyya wa al-Hamawiyya wa al-Tadmuriyya wa al-Tahawiyya et ces livres-là. Parce que l'auteur va enseigner les règles que le talab al-ilm, ou le croyant d'une manière générale, a besoin pour comprendre. Et ça fait partie des œuvres, des choses que Shir a laissées derrière lui. Et donc ensuite, la maison d'édition, cette maison d'édition-là, Dar al-Athar, ils disent que ils vont s'efforcer de ne pas altérer les paroles du Shir. Et comme vous savez, à la base, le commentaire n'est pas de la main, de la plume de l'auteur. Le commentaire, on a dit, c'était des cours audibles. Il les a dispensés, il a donné des cours. Par contre, Qa'id al-Muthla, il l'a écrit. Il l'a écrit. Et donc, vous savez que lorsque un livre a été écrit et lorsque c'est quelque chose de retranscrit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'un savant ou un auteur écrit un livre, c'est réfléchi, les ibarat, les expressions. Tandis que lorsque c'est audible, les maisons d'édition ensuite font un travail de... Parfois, les savants révisent leur audio et leur cours et parfois peuvent enlever et parfois peuvent rajouter. Et eux, ils disent qu'ils vont se contenter de ne pas altérer et de retranscrire ce que le shir a dit. Et lui-même, ce qu'on vient de préciser, que l'écrit et le fait de donner de manière audible des cours, ce n'est pas pareil. Et lui-même, Shir Nafsuhu, lui-même, Shir Ibn Uthaymeen, le disait. Et cela, il le dit dans la Muqaddima de l'Aqidah, dans ce commentaire de l'Aqidah al-Wasitiyya. Il le dit dans l'introduction. Tayyib. Ensuite, ils vont expliquer leur travail. Je vais passer ce passage-là. Sauf que, ensuite, ils disent quelque chose de très pertinent. Parce que vous pouvez retrouver d'autres maisons d'édition qui ont édité Al-Qawaid Al-Muthla. Mais comme on l'a dit précédemment, c'est un sujet où il faut être il faut rapporter ce que les savants disent avec exactitude. Pourquoi? Parce qu'on parle du Créateur. On traite des noms et des attributs du Créateur. Les noms sublimes d'Allah Azzawajal et les attributs d'Allah Azzawajal. De sorte que parfois, il suffit d'un mot pour changer le sens. Et je vais vous donner des exemples. Dar al-Athar, ils vont dire que, par exemple, et ils vont donner le nom d'une maison d'édition qui ont fait ce travail aussi de retranscrire le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymeen, mais dont il y a eu des erreurs. Dont il y a eu certaines erreurs. C'est pas, attention, c'est pas des erreurs volontaires. Mais c'est des erreurs. Vous avez vu, lorsqu'il y a retranscription, édition, parfois il y a des erreurs. Donc il y a des mots qui peuvent manquer. Sauf que ça change le voulu et le sens de la parole de l'auteur. Par exemple, ils disent, وَمِنْ ذَلِكَ النُسْخَ الَّتِي نَشَرَتْهَا دَارُ الْبَصِيرَةِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ. Il y a eu une maison d'édition qui s'appelait Dar al-Basira à Alexandrie, en Égypte. فَقَدْ وَقَعَ فِيهَا عِدَّةُ أَخْطَاءَ. Il dit, il y a eu de nombreuses erreurs. Parmi les erreurs, dans la page 12, ils ont retranscrit que le Cheikh a dit لِيْجْمَعِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ لَا يُقَالَ. لِيْجْمَعِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ لَا يُقَالَ. Dans la page 12. Wasawabo, ce que l'auteur avait dit, li ijmari ahli lughati wal urfi annahu la yuqal. Donc al urf, ce mot-là n'a pas été retranscrit. Ça c'est par exemple dans la page 12. Attention, ils ne disent pas ça pour abaisser la maison d'édition, puisque la maison d'édition ne le fait pas volontairement. Mais c'est pour dire que il faut scrupuleux dans cela. Pourquoi? Parce qu'un mot, ça peut changer le sens, comme vous allez voir dans d'autres exemples. Et donne un autre exemple, dans la page 13, la page d'après, la page 13. فَلِي أَنَّ الصِّفَاتِ ذَوَاتِ بَعِنَا مِنَ الْمَوْصُوفِ. Regardez, dans la page 13. فَلِي أَنَّ الصِّفَاتِ ذَوَاتِ بَعِنَا مِنَ الْمَوْصُوفِ. قُلْتُ وهو خطا شنيع يفهم منه ان الشيخ يقول بان صفات الله بائنه منه اي غيره وانها لاحدى الكبر والصواب لان الصفات ليست ذوات بائنه. Et regardez par exemple dans la page 13, il y a une erreur. Il est dit parce que as-sifat ذوات بَئِنَا مِنَ الْمَوْصُوفِ. Comme c'est dit, il manque le mot لَيْسَتْ. C'est juste le mot لَيْسَتْ. Donc là, lorsqu'on voit dans la page 13, qu'est-ce qui est dit? C'est l'exemple qu'il donne, mais on n'a pas l'édition, on n'a pas le livre de Dar al-Basira, Biskandariya, mais les exemples qu'il donne. Alors, c'est qu'on dit que les sifats sont des entités qui sont ghayru, qui ne font pas partie du créateur en quelque sorte. Alors que c'est laysat qu'il faut. Fali anna sifat laysat zawat ba'ina. Parce que les attributs, ce ne sont pas des entités qui ne ferait pas partie du créateur subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, le terme qu'il manque, c'est Layset. Layset. Et s'il n'y a pas ce mot-là, fa'innaha la ihd al-kubar. C'est une grave et une grosse erreur. Il donne encore aussi. Donc là, c'est pas pour remettre en cause la maison d'édition. Ici, c'est pour dire que regardez, lorsque un mot est changé ou altéré, ou il manque un mot, ça peut changer tout le sens. Dans la page 14, وبهذا تبين أنه في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. Dans la page 14, il y a un autre exemple. Je vous le relis. وبهذا تبين أنه في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. قلت. Il dit. والكلام عن أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. وما وقع في النسخة دار البصيرة يقول بأن مذهب الشيخ هو أن الدهر من أسماء الله وهو قول باطل نفاه الشيخ نفسه. Et donc, dans la page 14, on peut comprendre comment c'est dit que l'auteur voit que le nom Ad-Dahr, laysa min asma'illahi ta'ala. Et selon eux, lorsqu'on lit comment c'est dit, on comprend que Sheikh y voit que le Ad-Dahr, ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Min asma'illahi Azza wa Jal. Et ils disent, là, ça c'est faux. Hada qawlun batil. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que يقول بأن مذهب الشيخ هو أن الدهر من أسماء الله. Alors que Sheikh voit que ça fait pas partie des noms d'Allah. الدهر. La vraie expression qui est dit, si vous revenez dans vers les audios, والصواب العبارة وبهذا تبين أنه يمتنع أو يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. En réalité, ce qui est dit, et il se clarifie qu'il n'est pas possible dans le hadith que Ad-Dahr, ce qui est voulu, c'est qu'il fait partie des noms sublimes. Que c'est un nom parmi les noms d'Allah, Azza wa Jal. Donc vous avez vu, le fait qu'il manque un ou deux mots, ça change tout le sens. Le Sheikh ne confirme pas le fait que Ad-Dahr fait partie des noms d'Allah, Azza wa Jal. Si vous lisez la version dans Dar Al-Basira, l'Iskandariya, on comprend que Sheikh y voit et il est d'avis que Ad-Dahr fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Dans la page 17, une autre expression, وَقَدْ جَمَعْتُ تِسْعِينَ إِسْمًا وَقَدْ جَمَعْتُ تِسْعِينَ إِسْمًا. Dans la page 17, il dit « Et j'ai certes rassemblé 90 noms. 90 noms. As-sawab, وَقَدْ جَمَعْتُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِسْمًا. As-sawab, ce qui est plus vrai, c'est qu'il a dit « J'ai certes rassemblé 99 noms. 99 noms. » Et comme cela, il donne des exemples. Il donne des exemples. Donc, cette maison d'édition Dar al-Athar, il donne ces exemples pour dire que ils se sont efforcés de vraiment de retranscrire vraiment ce que Shir dit avec exactitude. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il manque un mot et ça change tout le sens. Et le voulu. Et ça peut, parfois, comme on a vu dans les exemples, ça peut vouloir dire le contraire. On va commencer directement sur la parole du Sheikh, de l'auteur lui-même, Sheikh Ibn Al-Thaymin. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسماء وصفاته الشرح. Donc pour commencer, l'auteur commence, Cheikh Ibn Al-Thaymin, par ce qu'on appelle Khutbat al-Haja. Khutbat al-Haja. Cette sunna, cette tradition du prophète, sallam, lorsque le prophète sallam commençait un sermon, ou bien un rappel, ça faisait partie de la tradition du prophète sallam de commencer par ce long doigt, Inna alhamdulillah, de commencer par les louanges d'Allah, jusqu'à qu'il dit, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Et qu'ils disent واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ensuite, l'auteur, après avoir commencé par Khutbat al-Haja, il commence en disant فإن الإيمان, la foi, c'est, on traduit cela en français, mais en réalité c'est, la traduction n'est pas complète. Mais on reste sur ce terme, c'est connu chez beaucoup. Sinon, Al-Iman, c'est vraiment une croyance résolue, littéralement. Al-Iman, si je traduis dans la langue arabe, c'est At-Tasdiq Al-Jazim, l'Uraten. On ne va pas rentrer fait le stellaire. Sinon, on va devoir rentrer dans le sujet. Fa'in Al-Iman, El-Iman, on peut même rester sur le terme en arabe en réalité. El-Iman, le sens est connu de tout le monde. El-Iman, la croyance au nom d'Allah et en ses attributs, c'est l'un des piliers de la croyance en Allah. Écoutez bien ce qu'il va dire. Mais on va mieux l'expliquer dans le charh. Je vous traduis littéralement. C'est l'un des piliers pour la croyance en Allah. La croyance en son existence, premièrement. La croyance en sa seigneurie, deuxièmement. La croyance en sa divinité et la croyance en ses noms et ses attributs. Ça, c'est le texte. Ash-sharhu. Lorsque vous entendez ash-sharh, c'est le commentaire. Donc là, je vous le dis, mais ensuite, on avancera. On va essayer d'avancer. Lorsque vous entendez ash-sharh, c'est le commentaire. Et l'auteur du commentaire, c'est l'auteur lui-même. C'est pour ça que c'est très pertinent. Ada amr, mashallah. C'est très pertinent le fait que lui-même, l'auteur, il va expliquer ses propos et ses paroles. Qala, ash-sharh. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته. فإذا لم يؤمن العبد بهذه الأشياء الأربعة فإن إيمانه بالله لم يتم. فإن الإيمان بالله يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعا. فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أنكر ربوبية الله فليس بمؤمن، وله في بعض مخلوقاته. فليس بمؤمن ومن أنكر ألوهية الله فليس بمؤمن ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن. Dans le commentaire de cette première partie, là, il y a une très belle faïda. L'auteur nous dit que la croyance en Allah, et vous voyez qu'en réalité, ça, c'est le premier pilier de l'Iman. Le premier pilier de l'Iman, l'Arkan Sitta, l'Iman Billah, وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. Les six piliers de la foi. Le premier pilier, c'est quoi? Al-Iman Billah. Donc, pour être croyant, pour être mu'min, il nous faut l'Iman Billah. Sauf que Cheikh dit, Al-Iman Billah yatadamman arba'at ashiya. Al-Iman biwujudillahi azza wa jal. Awalan. Thaniyan, Al-Iman birububiyatillahi azza wa jal. Thalithan, Al-Iman bi-uluhiyatillah wal-iman bi-asma'ihi wa sifatihi. Pour croire en Allah Azza wa Jal, il faut croire en quatre choses pour avoir l'iman. Croire en l'existence du Créateur, croire en sa seigneurie, croire en la divinité et croire en ses noms et ses attributs. Et ce qui est pertinent, c'est qu'on a étudié. On a étudié, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Kitab Tajrid Tawhid al-Mufid. Et dans Kitab Tajrid, vous avez pu remarquez qu'on a parlé beaucoup de Ar-Rububiyya ou Al-Uluhiyya. Et surtout de l'Uluhiyya. On a, au début du livre, l'auteur, l'imam Taqiyuddin Ahmed ibn Ali Al-Maqrizi, Rahmatullah Ali, a beaucoup parlé de Ar-Rububiyya. Et ensuite, tout le livre était sur Al-Ubudiyya. Wa Tawhid Al-Uluhiyya. Et c'est très pertinent, puisque on a beaucoup parlé de la seigneurie et du Tawhid, de l'unicité, de l'adoration, pour maintenant pouvoir parler au sujet des noms sublimes et des attributs de perfection de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, pour croire véritablement en Allah, pour avoir l'iman, il faut croire en son existence premièrement. Deuxièmement, en sa seigneurie. Troisièmement, en la divinité. Quatrièmement, en ses noms et ses attributs. Il dit, celui par exemple qui ne croit pas en l'existence d'Allah, la première, n'est pas croyant. Ou celui par exemple qui ne croit pas en la seigneurie d'Allah, n'est pas croyant. Ou celui qui ne croit pas en l'uluhiyya, n'est pas croyant. Ou bien celui qui ne croit pas en la quatrième, en ses noms sublimes et ses attributs de perfection, il dit « فَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ ». Voilà l'explication. « ثُمَّ قَالَ ». Ensuite, il dit l'auteur dans le matn. On continue dans le matn. « قَالَ مَنْزِلَةُ الْعِلْمِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الدِّينِ فَتَوْحِيدُ اللَّهِ به أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني يا حفيظ احفظني ونحو ذلك ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه تواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. Et là vous allez voir, il y a une immense faïda. Vous allez voir, le livre est rempli de fawaïd. Regardez ce que l'auteur dit maintenant. Je vous traduis d'une manière résumée la parole du shir et ensuite son commentaire. Là, on commence direct à vraiment des enseignements très bénéfiques concernant les noms. Il dit, manzilatul ilm, le degré, le rang du savoir concernant les noms d'Allah et de ses attributs fait partie de la religion. Son rang, il est immense. Il dit, tawhidullah bihi ahadu aqsam tawhid thalatha. Donc, cette unicité, l'unicité des noms et des attributs, c'est l'une des trois catégories d'unicité. C'est l'une des trois catégories d'unicité. فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينِ عَالِيَ. Son rang dans la religion, cette catégorie-là, la catégorie de l'unicité des noms et des attributs, son rang dans la religion est élevé. Et immense. Précieux. لَا يُمْكِنَ لِأَحَدْ أن يعبد الله على الوجه الأكمل. Personne, il dit, ne pourra adorer le Créateur de la meilleure des manières et de la manière la plus parfaite ou complète plutôt ou de la manière complète. حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. C'est très pertinent. Il dit que personne ne pourra véritablement adorer Allah complètement sans qu'il ait un savoir, une connaissance concernant les noms sublimes d'Allah et ses attributs. Et ses attributs. لِيَعْبُدَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ. Pour qu'il l'adore avec clairvoyance. Puisqu'Allah dans le verset dit, une traduction relative, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Et Allah lui appartient les noms sublimes. الْحُسْنَى. On traduit de manière littérale, sublime. فَدْعُوهُ بِهَا. Invoquez-le par ces noms-là. Qu'est-ce qu'on comprend dans le verset? Le shir va l'expliquer. Il faut invoquer Allah Azzawajal par ses noms. Et shir dit, pour cela, l'invocation se divise en deux catégories. Dua al-masala wa dua ibada. Et une invocation qu'on appelle l'invocation de demande et une invocation qu'on appelle l'invocation d'adoration. L'invocation d'adoration. Il dit, l'invocation de demande, c'est que lorsque tu demandes, tu fais devancer ta demande par l'évocation d'un nom d'Allah. Regardez. أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا. Que lorsque tu vas demander à Allah Azza wa Jal, que tu fasses devancer ta demande par un nom ou l'un des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal qui est ou qui convient avec la demande. Il dit ويكون مناسبا مثل أن تقول. Comme par exemple, si tu veux demander le pardon à Allah, tu veux dire اغفر لي, ô Seigneur pardonne-moi, tu cites son nom Ghafur, le grand pardonneur, traduction littérale. Ô Ghafur, pardonne-moi. Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi. Ya Rahim, Rahamni. Lorsque tu demandes la miséricorde du Créateur, demande, devance ta demande par la mention de son nom le miséricordieux. Ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Vous avez vu? Ça convient. Ya Hafiz. احفظني. Ô le protecteur, traduction littérale, protège-moi. Tu demandes la protection du Créateur, utilise son nom, le protecteur. Donc ça c'est le texte, il va l'expliquer. Il va expliquer cela dans Shah. Wadu'a al-ibada, écoutez cette faïda. Il va l'expliquer. Écoutez cette faïda. On l'entend très rarement, c'est une très belle faïda. Il dit du'a al-ibada. Maintenant l'invocation de l'adoration. Il dit, c'est que tu adores Allah Azza wa Jal, بمقتضى هذه الأسماء par rapport aux implications et aux indications de ces noms. C'est littéral que je vous le traduis, littéralement que je vous le traduis, vous allez comprendre. فتقوم بالتوبة فتقوم بالتوبة إليه لأنه تواب. Regardez. Tu adores Allah Azza wa Jal selon les indications de ces noms sublimes. Tu as pris parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal que parmi ces noms il y a At-Tawwab. At-Tawwab. At-Tawwab, c'est celui qui accueille le repentir. C'est celui qui accueille le repentir. C'est pour ça que lorsqu'on cite le verbe Taba, Ala, Taba, Ala, c'est Allah qui accorde le repentir à ses serviteurs. Wa Taba Allahu Ala. Lorsqu'il y a la particule Ala, c'est Allah Azza wa Jal qui accorde le pardon, le repentir. Lorsque tu dis Tubtu ila Allah, lorsque tu es avec la particule ila, c'est toi qui te repentis, Allah Azza wa Jal. Taba ila Allah Azza wa Jal, il s'est repenti, Allah. Lorsque vous dites que c'est Allah wa taba Allahu ala, ala al-mu'minin wa ala al-muslimin, ala ibadihi al-salihin, par exemple, c'est Allah qui accorde le pardon. Tu sais qu'Allah il est tawwab. Allah est celui, at-tawwab, c'est celui qui accorde le pardon, qui accepte, qui accueille le repentir. Plus littéralement, qui accueille le repentir. Donc, At-Tawwab, ça indique quoi? Parmi les implications de son nom, qu'est-ce qu'il indique? Il indique qu'Allah accueille le repentir. Donc, toi, tu te repentis. Donc, toi, tu te repentis. Un autre exemple. وَتَذْكُرُهُ بِلِسَانِكَ لِأَنَّهُ السَّمِيعُ. Donc, tu te repentis. Pourquoi tu le dis avec ta langue? Parce que tu sais que parmi les noms d'Allah, il y a السَّمِيعُ. Allah est celui qui entend tout, ou as-samir, l'audient, une traduction vraiment littérale en français. L'audient. Tu sais qu'Allah est l'audient. Alors, tazkur hadihi at-tawba bilisanik. Tu l'as dit cette tawba avec ta langue, parce que tu sais qu'Allah il est samir. Et aussi, wa tata'abbad lahu bijawarihik. Pourquoi tu adores Allah aussi avec tes membres? Parce que tu sais qu'Allah huwa al-basir. Allah est le clairvoyant. Il voit tout, subhanahu. Et pourquoi tu crains Allah Azza wa Jal dans les moments de solitude, lorsque tu es seul? Pourquoi tu le crains? Parce que tu sais que Wallatif ou le Khabir. Tu sais qu'il est le Latif. Et tu sais qu'il est le Khabir, le bien informé. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris? Mais on va mieux l'expliquer dans ce qui va suivre. Selon ta connaissance des noms, tu demandes, tu connais qu'Allah il est Tawwab, donc tu demandes le repentir, car tu sais qu'Allah est celui qui accueille le repentir. Tu sais qu'Allah est celui qui entend tout, ou as-samir, donc tu tazkurhada bilisanik. Tu sais qu'Allah azza wa jal ou al-basir, il voit tout. Alors ta'abud ou tata'abbad lillahi azza wa jal bijawarihik, bijawarihik li'annahu al-basir. Et tu sais qu'Allah ou al-latif ou al-khabir. Il dit, shir, ça c'est le sens de dua al-ibada, l'invocation d'adoration. Donc il y a du'a masala, du'a al-ibada. On lit le commentaire. قال في الشرح أما دعاء المسألة فهو أن تجعل المسألة بين يدي الدعاء فتقول يا غفور اغفر لي أو تقول يا رحيم ارحمني أو تقول يا رزاق ارزقني وقد قال بعض أهل العلم ومن الأداب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء مما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت تطلب الرزق فتتوسل باسم الرزاق وإذا كنت تطلب المغفرة فتتوسل باسم الغفور فلا يليق أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي مثلا. قال فإن هذا غير مناسب وإنما المناسب أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي هكذا. وأما دعاء العبادة فيكون بأسماء الله الحسنى وذلك أنك إذا علمت أن الله غفور استغفرته فالاستغفار عبادة وإذا علمت أنه سميع أحجمت عن هذا يسمع منك ما يغضبه عن أن يسمع منك ما يغضبه وتكلمت بما إذا سمعه منك رضي عنك وهذا عبادة وعليه وهذا عبادة وعليه فدعاء الله تعالى بأسمائه يكون شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة فدعاء المسألة أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به ودعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء وبالله التوفيق وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc je laisse la traduction du commentaire pour demain, inshallah. Pour dans la prochaine assise demain, si Allah nous le permet, wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum.